Des entreprises font preuve de courage contre la division et la discrimination. Depuis le début de la pandémie, la politique anti-Covid du gouvernement fédéral, associée à l'agitation médiatique des médias de masse, a entraîné une profonde division de la société. Alors que les personnes non vaccinées sont de plus en plus exclues de la vie publique, les personnes vaccinées sont persuadées que les personnes non vaccinées se comportent de manière non solidaire et irresponsable. Avec cette stratégie dangereuse, des amitiés, des carrières professionnelles, des relations et même des familles ont déjà été détruites. Mais plus cette pression artificiellement fabriquée s'intensifie, plus les gens se lèvent pour montrer leur opposition à la division et pour réclamer une véritable cohésion, indépendamment de leur statut vaccinal. Outre les nombreuses protestations où des milliers de citoyens manifestent pacifiquement, de plus en plus d'entrepreneurs s'engagent pour une coexistence pacifique. Voici quelques exemples encourageants qui pourraient en inciter d'autres à les imiter. Premièrement, le magasin de meubles Unger, existant depuis 20 ans et situé dans la région de Cologne, s'engage sur son site internet pour la cohésion de la société et fait de la publicité avec l'action suivante. Pendant la période de discrimination prescrite par la loi du 04-12 au 27-12-2021, les personnes en bonne santé devraient être largement exclues de la vie publique, entre autres des achats dans le commerce de détail. Cela a probablement plus pour but d'obliger les personnes non vaccinées à se faire vacciner que d'aider à endiguer la pandémie du Covid. Nous considérons cela comme un scandale. Vaccinés ou non, entrez dans le panier de notre boutique en ligne le code de réduction « Je suis contre la discrimination des personnes en bonne santé » et vous obtiendrez 10% de réduction sur tous nos articles. Depuis lors, ce magasin de meubles reçoit, selon ses propres dires, en moyenne 500 emails par jour et les téléphones ne s'arrêtent plus. Selon le directeur, il s'agit en grande partie de messages positifs et de nombreux encouragements pour son engagement. Deuxièmement, la chaîne de dessert Wonder Waffle, avec des filiales en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis, a fait une déclaration claire en réaction à la règle 2G dans la restauration, en faisant la promotion d'un café gratuit pour les personnes non vaccinées, vaccinées et guéries. Le café Saint-Sébastien de Berlin-Wilmersdorf s'est également joint à cette action en expliquant qu'il voulait, selon ses propres termes, donner un signal contre ces mesures injustes et en partie absurdes. Troisièmement, dans le Vorarlberg autrichien, plusieurs entreprises se sont unies et ont publié des annonces dans les journaux pour exiger la fin immédiate de la discrimination à l'encontre des personnes non vaccinées. Christian Baer, directeur de Aeron Innovation Factory, qui emploie 400 personnes, a participé à cette action, bien qu'il ait déjà reçu des menaces pour son engagement. La laiterie Metzler et ses 41 collaborateurs participent également à l'opération. Le directeur Ingo Metzler souligne : Nous ne sommes absolument pas opposés à la vaccination, mais nous voulons un consensus. Nous voulons avoir la garantie que les deux ont leur place dans une démocratie. Quatrièmement, lorsque la règle 3G pour la restauration a été adoptée le 23 août, la propriétaire du café, Petra Niklas, a fermé l'intérieur de son café et ne servait plus qu'à l'extérieur. Pour justifier sa décision, Madame Niklas a déclaré « Un non clair à la division politique de la société. Nous ne voulons pas cela et nous n'y participerons pas. Nous ne nous laisserons pas instrumentaliser par la politique et ne jouerons pas ici le rôle de la politique anti-Covid en contrôlant les gens. » Cinquièmement, le portail Internet Animap propose un portail en ligne pour les entreprises qui respectent la dignité humaine et qui s'engagent à ne pas discriminer les personnes en raison de leur statut vaccinal. Près de 8000 entreprises s'y sont déjà inscrites et s'engagent pour une coexistence aimante au lieu de la discrimination et de l'exclusion de leurs semblables. Les entreprises, organisations et associations citées ici, ainsi que de nombreuses autres, font preuve de courage et ne prennent pas comme critère de leurs actions le statut vaccinal, mais ce qui unit les hommes, rejetant ainsi clairement la politique de division et l'agitation médiatique. Ainsi, les vaccinés et les non-vaccinés sortent de la focalisation faussement provoquée et permettent de se pencher sur le vrai problème. L'énorme division et la discrimination qui sont promues avec véhémence et qu'il est urgent de stopper.